François Guilbeault, bonjour. Merci d'être venu avec nous dans ce studio de la radio du Thomas. Merci de m'accueillir. Vous étiez directeur de France O quand Actes Sud a pu commencer à réaliser des captations de spectacles, et particulièrement de spectacles venant d'outre-mer. C'était en 2005. Depuis, il y a eu, je pense, plus d'une centaine de captations. Est-ce que vous diriez que ça apporte quelque chose aux écrans, enfin à la télévision ? Bah, écoutez, j'espère, parce que c'était le but. En fait, l'idée, c'était de profiter du festival, de la présence de plusieurs troupes venant de différents territoires d'outre-mer pour justement faire des captations en un seul lieu. Et on avait tout de suite 5 ou 6 pièces qu'on pouvait exploiter à la fois sur France O, donc à destination du public plutôt hexagonal, mais qu'on pouvait également utiliser sur les chaînes qui à l'époque s'appelaient pas encore les premières mais s'appelaient les télépays, pour le diffuser sur les territoires. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé, une centaine de pièces, ça devient une mémoire en fait de tout le spectacle vivant de l'outre-mer. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on aurait pu rassembler aussi rapidement une telle quantité de spectacles d'origine ultramarine. Donc je pense que ça a une valeur, et déjà le public est présent pour les voir, donc ça, c'est déjà le premier but est atteint, et puis ça a une valeur vraiment patrimoniale également. Et en ce qui concerne les compagnies et ces spectacles, justement, est-ce que ça multiplie de manière vraiment pertinente, vous pensez, leur reconnaissance en tout cas ? Écoutez, plus généralement, je pense que les captations de spectacles vivants, ça touche deux publics. Ça touche le public des amateurs qui sont vraiment des fans et qui ont envie d'en voir. Et puis, ça peut toucher, alors ça, c'est parfois un peu le hasard, ça peut toucher un public qui n'a justement pas l'habitude de voir des spectacles vivants. Et c'est, je crois que c'est l'apport principal de la télévision, c'est de permettre à un public qui n'a pas les codes, qui n'a pas l'habitude, qui n'a pas été formé, qui pense que le spectacle vivant, que ce soit de la musique ou que ce soit du théâtre, c'est pas pour lui, eh ben, il a l'occasion, ça vient chez lui, il n'a pas besoin d'y aller, et si ça le touche, ben, peut-être que ça peut lui permettre après d'aller lui-même faire franchir le pas, d'aller au théâtre ou d'aller écouter un concert. Et même si on n'est jamais sûr de cette réussite, on sait que ça marche parfois et que c'est le plus que peut apporter la télévision. On entend souvent que le spectacle vivant à la télévision, ça ne marche pas, ça ne fait pas d'audience. On entend ça aujourd'hui, oui. On l'entendait sans doute déjà en 2005. Oui. Alors c'était relativement audacieux de permettre, d'encourager ça de votre part. Bah, écoutez, on avait la chance, en fait on venait de créer France O. Hein. France O était créé au début de l'année 2005 et on n'avait pas de véritable impératif d'audience. Hein. Donc on pouvait prendre les risques, et en fait ça a été un risque, je crois, qui a été pris à bon escient, puisque après, plus tard, quand déjà France O est passé sur la TNT et qu'il y a eu des mesures d'audience, ben on a constaté que parmi les programmes de France O qui étaient regardés, il y avait ces captations de pièces de théâtre. Et puis bon, après France O, j'ai été aussi directeur général de France 2. Et à l'époque, c'était l'époque où on avait relancé de la captation de pièces de théâtre. Alors c'était évidemment des pièces plus assez grand public, mais ça marchait très très bien. On a fait des audiences remarquable avec certaines pièces de théâtre, justement parce que ça avait un peu disparu des antennes, et y a un public pour ça et ils étaient contents de le voir. Alors peut-être il ne faut pas le faire tous les soirs, mais préserver un côté événementiel, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de fatalité. D'accord, oui, ça c'est certain. Et du coup, on peut dire que la télévision, c'est l'avenir du spectacle vivant ? J'irai pas jusque-là, mais je dirais que c'est que bon, ils sont pas en opposition l'un à l'autre. Je pense que ça peut être, comme je vous l'ai dit, toucher les deux publics, le public d'amateurs, et puis permettre à certains, parce que malheureusement, on est dans une époque où, bon, j'aime pas ce terme, mais la consommation culturelle est très est très, disons, ciblée sur un public. Il n'y a qu'à voir, je me fais la remarque ici au Festival d'Avignon, le gros du public, c'est entre 50 et 70 ans, quoi. Alors bon, il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Et ce qui est curieux, c'est qu'autant les acteurs, c'est plutôt des jeunes, autant les spectateurs, c'est plutôt des plus anciens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Et encore une fois, la télévision, ben, ça peut être l'occasion de prendre plaisir à voir quelque chose et puis de dire, ben, finalement, ça peut être aussi pour moi, quoi. Ben, merci beaucoup pour ces réponses, François Guilbault. Et puis, très bon séjour au Festival d'Avignon. Merci. Et puis, je souhaite tout le succès à la Radio du Thomas. Alors. Et la Radio du Thomas vous remercie.